Voici une méthode de méditation pour ouvrir le chakra sacré. Asseyez-vous confortablement dans une position de méditation, le dos droit et les épaules détendues. Fermez les yeux et respirez profondément pendant quelques instants pour calmer votre esprit. Visualisez une lumière orange brillante au niveau de votre chakra sacré, situé dans la région du bas-ventre. Imaginez que cette lumière orange commence à s'étendre dans tout votre corps, apportant une énergie créative et une sensation de bien-être. Restez dans cette visualisation pendant quelques minutes, en vous concentrant sur votre respiration et en ressentant l'énergie de votre chakra sacré. Visualisez ensuite la lumière orange se fondre avec la lumière blanche de l'univers, ressentant l'interconnexion entre votre chakra sacré et l'univers. Restez dans cette méditation aussi longtemps que vous le souhaitez, en sentant votre énergie créative augmenter et votre chakra sacré s'ouvrir. Cependant, l'ouverture des chakras peut être un processus graduel et il est important d'être patient et persévérant dans sa pratique. Mantra associé au chakra sacré. Il existe plusieurs mantras associés au chakra sacré, également appelé le deuxième chakra ou le Svadhisthana en sanskrit. L'un des mantras les plus couramment utilisés pour ouvrir et équilibrer ce chakra est le mantra VAM. Pour pratiquer cette méditation, asseyez-vous confortablement avec les jambes croisées et les mains posées sur les genoux, paumes vers le haut. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Ressentez le souffle qui entre et sort de votre corps. Puis, commencez à répéter le mantra VAM à voix basse ou mentalement. Visualisez une énergie orange rayonnante qui se concentre dans la région de votre bassin, là où se trouve votre chakra sacré. Visualisez cette énergie qui tourne et se renforce à mesure que vous répétez le mantra. Continuez à répéter le mantra pendant 10 à 15 minutes ou aussi longtemps que vous le souhaitez. Lorsque vous êtes prêt à terminer la méditation, prenez quelques respirations profondes et sentez l'énergie circuler dans tout votre corps. Ouvrez lentement les yeux et revenez à votre état de conscience normal. Page 11, nous allons voir comment ouvrir notre chakra du plexus solaire, page 11.